sur la page Bonus FM en deux mots, branché sur 102.4 FM, 96.8 FM ou 87.7 FM, c'est sur la radio associative indépendante Bonus FM. Bon après-midi et merci pour votre fidélité, trésor, car c'est l'heure du journal en français. Le journal avec Willy Sitaïeoura. Je suis assisté à la manette par Niki Inez. D'abord, les grandes articulations de ce journal. Le nouveau dirigeant du parti Uprona s'apprête à dialoguer avec tous les Badassiganes en litige, ou ceux qui ne sont plus membres de ce parti, le dit Olivier Nkurunziza, le nouveau président de ce parti. Quant à Tassien Siloman, l'allée des anciens membres de l'Uprona, la réunification des Badassiganes a depuis plus de 10 ans été bloquée par le manque de dirigeants qui priorisent le dialogue, vous l'entendrez. Les gouverneurs de toutes les provinces et le maire de Bujumbura sont appelés à concentrer la toute énergie dans la sensibilisation de la population concernant la démolition des constructions anarchiques, car la date limite ne sera pas ajournée. Vous entendrez le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et à l'international, le conflit talibano-afghan fait parler l'ONU et les grandes puissances, vous l'entendez également dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue encore, débutons par cette brève. Les gouverneurs des provinces sont appelés à continuer la sensibilisation de la population concernant la démolition des maisons construites anarchiquement. C'est ce qu'a rappelé Gervain Dilakoboutel, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, lors d'une réunion de travail avec les gouverneurs et le maire de Bujumbura ce mardi. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir que la date limite sera scrupuleusement respectée. Et politique, à présent, les nouveaux organes et dirigeants du parti Uprona se disent prêts à échanger avec tous les Badassiganes qui sont en litige ou qui ne sont plus membres de ce parti. Olivier Nkurunziza, président de ce parti, précise que seul le dialogue est le meilleur outil pour trouver solution à tous les conflits qui pourraient exister. Olivier Nkurunziza, il est président du parti Uprona. Moi, c'est tout ce que la Badassiganes, là, je les connais très bien, leurs dirigeants, leurs chefs, tous ceux qui disaient qu'ils sont leurs responsables, on ne change pas. Moi, j'ai entendu, je fais les coups, je change là. Que ce soit, il n'y a pas de question à vous. Et surtout, je leur demande chaque fois d'user la sagesse de mes locatifs. S'il y a un conflit entre l'une ou l'autre personne, qui ne prenne pas comme un conflit politique, mais avant qu'ils décident de voir le domaine de définition, si c'est un conflit personnel, social, économique, cela n'est pas des questions politiques. Alors, s'il y a un problème d'idéologie, un problème de système de fonctionnement, de management, ça c'est discutable avec les organes du parti. Moi aussi, je suis pour le discuter pour voir que le tribunal, c'est de mettre avant l'amour du parti et du parti. C'est ça ce que je leur conseille, mais aussi d'avoir un cœur pour que chaque fois, trouver que les décisions ne vous satisfaisent pas, et chaque fois de décider d'aimer le parti et de se faire violent pour bien de quitter les rangs. Parce que ce qu'ils perdent, c'est ce qu'ils se trouvent ailleurs, c'est le parti qui est là. Mais je pense que chaque fois qu'il y a un conflit, il y a moyen de résoudre ça. C'était Olivier Nkurunziza, président Uprona. Et nous nous excusons pour cette mauvaise qualité sonore et Tassien Siloman, ancien membre du parti Uprona, dit être prêt à répondre à cet appel lancé par le nouveau président de son parti. Selon Tassien Siloman, la réunification du parti des Badassiganes a été bloquée depuis 2009 par le manque de dirigeants qui soutiennent son processus de dialogue. Suivez à son propos Tassien Siloman, ancien membre du parti Uprona. Depuis 2009, j'ai été un des grands pionniers, sinon le premier à militer pour la réunification. Malheureusement, on a pas obtenu le leadership qu'on aurait souhaité à travers son processus de réunification. Alors, c'est le nouveau dirigeant des Upronistes de Kumurumia, M. Olivier Nkurunziza, est prêt à relancer le processus. Moi, je ne ferai qu'encourager dans ce sens, parce que ce qui a manqué à l'Uprona, justement, ce sont les dirigeants qui n'ont pas voulu prendre les taureaux par les cornes pour réunifier la Yabadasigana afin de militer réellement en faveur de la vision et des valeurs du parti à l'Uprona. Alors, si Olivier veut changer la donne, je pense que ça ferait honneur à l'Uprona et ça ferait honneur à sa propre personne. Je conseillerais donc à mon ami Olivier de passer plutôt à inviter ses supérieurs. Nous sommes disponibles. Chaque fois qu'il voudra qu'on discute sur le processus de réunification, nous serons toujours disponibles. Et seulement, voilà, nous le disons d'ores et déjà, nous ne sommes pas certains qu'aujourd'hui, l'Uprona de Kumurumia milite en faveur des valeurs et de la vision que devait être celle de l'Uprona. Avoir les positions que je défends aujourd'hui, nous ne sommes pas convaincus que nous avons encore la même vision et les mêmes valeurs. Il faudra alors nous remettre sur table pour redéfinir ce que nous recherchons à travers cette réunification. Les dispositifs de lavage des mains qui sont parmi les mesures barrières contre la pandémie de Covid-19 ne sont plus devant l'entrée de certaines boutiques en mairie de Bujumbura, dans certains coins où on les trouve, les seaux d'eau ne contiennent pas de l'eau. La population demande aux instances habilitées de prioriser la sensibilisation et le suivi dans la mise en application des mesures barrières contre cette pandémie. Joyce Guilaine Manichi nous fait le point. Lavage des mains, l'une des mesures barrières contre la pandémie du Covid-19, n'est plus respectée dans certains points de vente comme les boutiques qui se trouvent à mairie de Bujumbura. Au sud de la capitale économique Bujumbura, en zone Kinindo, au quartier Kiwenga, dès l'avenue lundi jusqu'à l'avenue dimanche, on n'y trouve aucun dispositif de lavage des mains devant l'entrée des boutiques, sauf une seule boutique qui se trouve sur l'avenue jeudi, qui a un sommet, les clients entrent sans se laver. Toujours au sud de la capitale économique Bujumbura, exactement au quartier Kinanila 2 en zone Msaga, très peu de dispositifs de lavage de mains se trouvent dans cette localité. Du sud au centre-ville, exactement dans la commune Mukaza, en zone Nyakawiga, où la radio Bonesha fait le constat, surtout au quartier Nyakawiga 1, dès la 1ère avenue jusqu'à la 9e avenue, devant l'entrée de certaines boutiques et certains bars se trouvent des seaux d'eau, mais ces derniers ne contiennent pas d'eau. Même là où tout est disponible, les clients ne se lavent pas les mains. La situation est la même au quartier Nyakawiga 3 où ces dispositifs de lavage des mains sont là avec le savon, mais les clients ignorent le lavage des mains. Les habitants de cette localité avec qui nous sommes entretenus qui n'ont pas voulu s'exprimer à nos micros disent que le lavage des mains est nécessaire mais indiquent toutefois que les autres mesures barrières contre le Covid-19 devaient être mises en application. La situation est ainsi au moment où dans certains parkings à mairie de Bujumbura, se laver les mains n'est pas obligatoire même si le dispositif de lavage des mains et le robinet s'y trouvent. Merci Joyce Guilaine Manichi, une économie à présent. Le non-respect des prix fixés par l'État perturbe l'économie des ménages et c'est du moins ce qu'a indiqué Pierre Ndouaille, porte-parole de l'association burundaise des consommateurs à Bouko. Ce porte-parole de la Bouko estime que la faible quantité de production serait la cause principale et qui pousse les commerçants à faire la spéculation. La Bouko demande au gouvernement de saisir en main cette question pour le bien de toute la population. Pierre Ndouaille. Nous constatons une rareté de produits comme les produits de la Burundi, comme le ciment Bosseco qui est fabriqué ici chez nous. Ce qui a pour conséquence non seulement de perturber les économies de ménage, mais aussi ça met à mal l'économie du pays parce que la perturbation des prix a une incidence négative sur l'économie tout entière. Pour l'entreprise Burundi, c'est une situation qui perdure pratiquement une année va s'écouler sans que les prix qui sont fixés par cette entreprise soient respectés. Et ce qui nous étonne, c'est qu'il y a un silence de cette entreprise et où on ne sait pas alors où trouver la solution. C'est pourquoi nous insistons auprès du pouvoir public de voir si vraiment la quantité produite par la produit est suffisante à satisfaire la demande. La solution serait qu'il y ait un autre opérateur qui viendrait peut-être suppléer aux lacunes observées chez la produit. Pour l'entreprise de Bosseco, de temps en temps, elle fait des communiqués en disant que sa production est suffisante. Et si ce qui est dit s'avère vrai, c'est-à-dire que ce sont les grossistes qui s'approvisionnent à cette entreprise et qui ça donne à la circulation. Et depuis aussi un certain temps, c'est une situation qui s'observe malgré certaines sanctions qui sont infligées à certains vendeurs de bâtiments. Et nous insistons fort pour que peut-être ces grossistes qui s'approvisionnent à Bosseco se sont montrés incapables de respecter les prix. Il faudrait peut-être les remplacer par les nouveaux. Comme ça, les suivre et les donner des injonctions de respecter leur prix indiqué. C'était Pierre Ndouaye, porte-parole de la Bouco, et l'Office burundais des recettes Aubert se dit préoccupé par l'utilisation des enfants dans les activités de fraude et de contrebande. Stani Yandakoumana, directeur de la communication et porte-parole de l'Aubert, l'a dit l'avant-midi de ce mardi lors d'une réunion de sensibilisation qu'il a organisée à l'endroit des intervenants dans le secteur de l'enfant. Après une courte pause, agriculture et environnement. De l'autre côté, à Mutimbuzi, les agriculteurs de la zone Kubilizi de la province Bujumbura sont dans l'impossibilité de cultiver pendant la saison sèche suite au manque de terres cultivables et aux difficultés d'accès aux techniques d'irrigation. Ces habitants de la zone Kubilizi demandent au gouvernement de leur venir en aide afin qu'il y ait aussi la saison culturelle. C'est Ephraim Tiza. Ces agriculteurs de la zone Rubilizi, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, font savoir qu'il faudrait qu'ils cultivent trois fois par an par le but de s'autodévelopper, mais ils se heurtent à une rareté de terres cultivables et un manque de moyens d'irrigation, car jusqu'à présent, ils utilisent des terres d'autrui et ces dernières peuvent être récupérées chaque fois que le besoin se présente. Nous voudrions cultiver pendant la saison sèche, mais c'est impossible, car les lotins de terres que nous exploitons ne sont pas les nôtres. Il arrive qu'on cultive un mois et le mois suivant, les propriétaires récupèrent leurs parcelles. Il est impossible de cultiver durant la saison sèche, car nous n'avons pas de techniques d'irrigation. À partir du mois de mai, nous ne trouvons pas de l'eau pour irriguer. Ces habitants de la zone Rubilizi demandent au gouvernement de leur procurer des terres cultivables et des techniques d'irrigation pour se développer économiquement. Nous voulons que le gouvernement nous procure des terres à cultiver, car les terres que nous utilisons maintenant ne nous appartiennent pas. En plus, il faut qu'on nous aide à pouvoir irriguer les champs si nous arrivons à trouver les terres pour cultiver trois fois l'année. La situation se présente ainsi au moment où le gouvernement du Burundi appelle tous les agriculteurs à cultiver, même pendant la saison sèche, pour qu'il y ait la saison qui littéra dans tout le pays et accroître la production. Merci, Ephraim Chiza de la province Bujumbura vers la province Bururi. De l'agriculture à l'environnement fait de Brousse dans la réserve naturelle de Bururi la nuit de ce lundi. Jérôme Nishishika, le responsable de cette forêt, salue l'intervention rapide de la population riveraine de cette réserve et appelle la population à continuer dans le même sens et surtout dénoncer les auteurs de ce feu afin que la biodiversité de cette forêt soit bien protégée. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana. Ce feu s'est déclaré aux environs de 19h de ce lundi dans la réserve naturelle et forestière de Bururi, plus précisément sur la colline Molago vers la localité de Rikokoma. Nous sommes dans la commune et province de Bururi. Toutefois, une très petite superficie a été ravagée grâce à l'intervention rapide de la population qui habite à la lisière de cette forêt qui a directement maîtrisé ce feu, selon Jérôme Nijikale, responsable de cette aire protégée de Bururi, qui salue vivement cette intervention rapide de la population pour éteindre. Jérôme Nijikale demande à la population de Bururi de faire tout pour protéger cette réserve naturelle de Bururi qui abrite une grande biodiversité de flore et de faune, dont les chimpanzés, les espèces d'oiseaux et les arbres très bénéfiques pour la population environnante et d'ailleurs pour tout le pays. Jérôme Nijikale appelle la population de Bururi à dénoncer les auteurs de ces feux de brousse qui tentent de détruire l'abri de ces chimpanzés qui peuvent attirer les touristes et à dénoncer également ceux qui n'interviennent pas pour éteindre afin qu'ils soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Rappelons que plus de 20 hectares de la réserve naturelle de Vianda dans la même province de Bururi sont déjà partis en fumée depuis le début de cette saison sèche. Depuis Bururi, de nos amis pour la RCF, Ponecha FM. Et l'ambassade de la France au Burundi informe que les élèves résidents au Burundi qui souhaiteraient poursuivre leurs études universitaires en France que la campagne Campus France pour la rentrée 2022 débutera le 1er octobre 2021 pour tous les aspirants à étudier en France. Stéphane Grimberg précise que plus de 336 visas ont été accordés l'année dernière. Stéphane Grimberg. L'espace Campus France Burundi a été créé en 2015 et comme vous le constatez, il est situé dans les locaux de l'Institut français. Il accueille les étudiants burundais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France. Il les oriente et les accompagne dans la concrétisation de leur candidature. Environ 550 personnes étaient admises dans un établissement français. Et à ce jour, plus de 336 visas ont déjà été accordés par le consulat de France. En dépit des restrictions de déplacement qui sont liées à la pandémie de Covid-19, la France s'est organisée pour accueillir ses futurs étudiants internationaux en toute sécurité. Il est demandé d'avoir un test PCR de moins de 72 heures négatif, ainsi qu'un document attestant sur le même que le voyageur ne présente aucun symptôme du Covid-19, sauf des formations de qualité en tous les domaines. Mais c'est également dû au fait que les frais de scolarité en France sont parmi les plus bas au monde, grâce à une prise en charge du coût réel des études par l'État. Les établissements français délivrent des diplômes qui sont reconnus à l'international. Actualité internationale. À l'international et dans une allocution du président des États-Unis, Joe Biden a assumé la décision de retirer les troupes d'Afghanistan, pays retombé aux mains des talibans. Cette chute est arrivée plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, mais Biden estime que les Afghans n'ont pas saisi leur chance de déterminer leur propre avenir et il ne souhaite pas intervenir contre les talibans si nécessaire, car, dit-il, les Américains défendront toujours les femmes et les jeunes filles. Alors que l'armée américaine contrôle encore l'aéroport de Kaboul, la capitale, l'avertissement a été lancé aux talibans. Au cas où il perturberait l'opération d'évacuation, la réponse sera rapide et puissante avec un usage dévastateur de la force si nécessaire. Ce lundi, des soldats américains ont tué deux hommes qui bandissaient à l'aéroport de Kaboul, malgré que Biden, à la fin du discours, part sans répondre aux questions. Les élus républicains estiment que Joe Biden doit donner des explications sur le retrait des troupes sur le sol afghan. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à New York ce lundi à propos de la situation afghane. Pour Antonio Guterres, secrétaire général, les prochains jours risqueraient d'être cruciaux et appelle la communauté internationale à rester unie sur ce dossier. Le Conseil a négocié une déclaration commune et appelle à la cessation des hostilités et à l'établissement d'un gouvernement inclusif et uni. La Russie et la Chine, de grandes puissances, réclament plutôt que le nouveau régime garantisse la sécurité et tout faire pour endiguer le flot des réfugiés voulant fuir le pays vers les pays voisins. La Russie confirme conserver sa présence diplomatique en Afghanistan. C'est au moment où le premier avion militaire français est arrivé à Kaboul pour évacuer les Français et d'autres Afghans et à travailler avec les Français. 13h34, point final à ce journal. Merci à tout un chacun pour sa collaboration. Merci de l'avoir suivi. Le journal a été présenté par Willy Sindayehu. La bonne suite de programme.